il n'y a pas d'amour, c'est pas vraiment pas assez. Nous vivons sans secours, nous mourons délaissés. L'appel à la pitié résonne dans le vide. Nos corps sont estropiés, mais nos chairs sont avides. Disparu les promesses d'un corps adolescent. Nous entrons en vieillesse où rien ne nous attend. Que la mémoire vaine de nos jours disparus. Un soubresaut de haine et le désespoir nu. Ma vie ma très ancienne, mon premier vœu mal refermé, mon premier amour affirmé, il a fallu que tu reviennes, il a fallu que je connaisse ce que la vie a de meilleur, quand deux forts jouent de leur bonheur, ils s'enfoncent, s'unissent et renaissent, entrer en dépendance entière, je sais le tremblement de l'être, les illusions à disparaître, le soleil qui frappe en lisière, et l'amour où tout est facile, où tout est donné dans l'instant, il existe au milieu du temps, il existe au milieu du temps, la possibilité d'une île.